Le mariage de Diderot, de Charles Joliet. Chapitre 1er. Le mardi gras de l'année 1741 s'annonça par une belle matinée. Le bruit des masques, qui couraient déjà par les rues, sonnant du cor et de la trompe, éveilla un jeune homme qui dormait paisiblement dans un taudis de la rue Taranne. Il se frotta les yeux, prit un à un les vêtements étendus sur ses pieds en guise d'édredon, la saison étant encore froide, et s'habilla lentement. Après avoir respiré l'air frais du matin et regardé le soleil éclairant le sommet des toits et des cheminées, il revint s'asseoir sur le maigre matelas qui lui servait de lit. Là, il se mit à réfléchir. Quelque temps auparavant, il avait été précepteur des enfants de M. Randon, gros financier de l'époque. Mais au bout de 3 mois, il avait quitté sa maison pour venir loger dans ce galetas. Voyant qu'il ne voulait plus rester, le financier lui avait dit « Mais, M. Diderot, quel sujet de mécontentement avez-vous? Vos appointements sont-ils trop faibles? Je les doublerai. Êtes-vous mal logé? Choisissez un autre appartement. Votre table est-elle mal servie? Ordonnez votre dîner. Rien ne me coûtera pour vous conserver. » « Monsieur, regardez-moi, » répondit le jeune homme. « Un citron est moins jaune que mon visage. Je fais de vos enfants des hommes. Mais chaque jour je deviens enfant avec eux. » Je suis 1000 fois trop riche et trop bien dans votre maison, mais il faut que j'en sorte. L'objet de mes désirs n'est pas de vivre mieux, mais de ne pas mourir. » Ainsi qu'on le voit par cette réponse, il y avait des bohémiens littéraires à Paris en l'an de grâce 1741. Déjà vers ce temps-là, un certain Jean-Jacques Rousseau de Genève, valet dans la maison du duc de Gouvon à Turin, s'enfuit avec son ami Bacle, voyageant à l'aventure. C'est à juste titre que les gens sages accuseront le petit Rousseau d'ingratitude et le jeune Diderot de fainéantise, l'un pour avoir refusé le brillant avenir de factotum diplomatique de la maison ducale de Gouvon, l'autre pour n'avoir pas voulu se dessécher en développant le cerveau des futurs petits financiers. « J'aime mieux n'être rien. » Telle était la devise de ces fainéants qui troquaient la fortune contre la liberté et qui perdirent leur temps à écrire le contrat social et le neveu de Rameau. Il y a encore par-ci par-là, ainsi que le raconte un autre trait de misère de nom de La Fontaine, quelques loups maigres qui regardent les chiens aux poils luisants avec une certaine envie. Mais si leur cou se prête un instant au collier, ils le brisent assez à temps pour qu'ils n'en gardent pas l'empreinte. Ils furent de ceux-là, tous ceux qui se sentaient la flamme au front et qui n'avaient pas cette indépendance de fortune que Condorcet recommande à celui qui veut garder l'altière puissance et la virginité de son talent.